réponse. Donc je fais toc toc. C'est le mec. C'est comme ça qu'il fait. Toc toc. Alors, attends, j'ai juste plus le texte sous les yeux. Oh, pardon, je dérange? Le mec, il ouvre la porte. Toc toc. Est-ce que je dérange? Oh, pardon, je dérange? C'est comme tu veux, en fait, j'attends juste que tu me dises. Ok. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais il avait qu'à être là, il avait qu'à être là. On va devoir lui péter sa gueule. Je regarde, ok, on est bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous savez, je suis jamais très loin, alors si je peux grappiller une piole. Mais dites, vous en faites quoi du petit machin par terre là? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah, oh, vous savez, je suis jamais très loin, alors si je peux grappiller une piole. Bah voilà. Ah, oh, vous savez, moi je suis jamais très loin, alors si je peux grappiller une piole. Mais dites, vous en faites quoi du petit machin par terre là? Le machin, vous voulez dire le cadavre? ouais, c'est ça le cadavre quoi. Bah, je vais le refaire sans le quoi à la fin, peut-être. Comme ça, c'est. Bah, ouais, le cadavre quoi. Bah, je voulais. Bon, bah voilà, c'est un personnage qui dit quoi à la fin de sa phrase. Bah ouais, c'est ça, le cadavre. Alors, une solution raisonnable et humaine pour. Bon bah si on a aucun de vous qui se dévoue, moi je m'y colle, on va quand même pas gâcher, hein. Attends. Ouais, j'ai entendu un chat qui miaulait. Alors, de toute façon, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Bon, bah s'il y en a aucun de vous qui se dévoue, moi je m'y colle, hein. On va quand même pas gâcher, hein. On va quand même pas gâcher, hein. Oh là, quoi? Bah, et bah, je récupère les organes. Oh, aïe, aïe. Non, mais c'est un nouveau concept d'enregistrer dans une ménagerie. Je me moque pas de toi. Oui, je l'ai fait n'importe comment là. Alors, je peux savoir ce que vous foutez? Eh ben, je récupère les organes. Vous imaginez pas le pognon que ça peut représenter, hein? Ouais, je me suis perdu dans le truc. Vous imaginez pas le pognon que ça peut représenter? Je peux la refaire. Eh ben, je récupère les organes. Vous imaginez pas le pognon que ça peut représenter? C'est quoi? Parce que vous voulez une part du marché? Ok, attends. Je l'ai dit en entier pour être sûr. Si c'est ça, je vous préviens, restez pas planté là. Donnez au moins un coup de main. Quel connard. Ok. C'est quoi du vomi? J'en ai sur moi, mais bon, je sais pas ce que c'est. Mais c'est vrai que parfois ils parlent de manière désuète, mais. Bah pourquoi? C'est parce que vous voulez une part du marché? Parce que si c'est ça, je vous préviens, vous restez pas planté là. Vous donnez au moins un coup de main. Ou un coup de scalpel. Je la refais. Mais pourquoi? C'est parce que vous voulez une part du. Bah, j'allais dire du gâteau. Vous avez faim? Franchement, goûter ça, cru, ça se mange nickel. Hop là, un peu de cœur. Voilà, c'est ça. Voilà, vous êtes un vrai homme maintenant, monsieur Bonobo. C'est trop con. Bah pourquoi? C'est parce que vous voulez une part du gâteau. Putain, j'allais encore dire du gâteau. C'est quoi? C'est parce que vous voulez une part du marché? Bah parce que si c'est ça, je vous préviens, vous restez pas planté là, hein. Vous donnez au moins un coup de main. Ou un coup de scalpel. Ah, je suis trop con. Hop là, est-ce que. Vas-y. Bon, il va falloir que je refasse tout alors.